بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره متفما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا أمس الأصل الأول من هذه الأصول الستة ونبخي لبخمي أصول لبخمي أصل ما هو التوحيد عند هؤلاء الجهال وما هو الشرك عند هؤلاء الجهال Exactement. Donc celui qui ne fait pas cela, pour eux c'est du talaq, pour eux c'est du dénigrement, du rabaissement de ces salihins. Fahada, c'est bâti. Ahl al-Sunnah par rapport aux salihins, c'est quoi leur positionnement? Al-Wasat, yani la tafrit ou la ifrat. Naham, ma dahwa. La ifrat ou la tafrit. Naham. Ni on les adore, et ni kadhalika on les insulte et on les dénigre. Nuhibbuhum fillahi azza wa jal. نحبهم في الله ولا نعبدهم أما هؤلاء عبدوه اللي زوا دوري صص الخلاصة يعني ده سو أصله الأول قال رحمه الله تعالى قال الأصل الثاني on va lire entièrement ensuite on va venir sur chacune des فقرات إن شاء الله قال الأصل الثاني قال أمر الله بالإجماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام ونهانا عن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون نعم فَهَذَا كَذَلِكَ يعني contradiction وكذب et inversement des choses فبينها هنا هو رحمه الله تعالى من الأصول العظيمة في الدين الله عز وجل هو الاجتماع في الدين التمسك بكتاب الله عز وجل مجتمعا عليه c'est pour ça qu'on appelle أهل السنة والجماعة لأنهم مجتمعون على الدين ليس بمتفرقين لأن الحق الحق غصان لكن il divise pas Lakin il sépare, il différencie le vrai du faux. Lorsqu'on dit il ne divise pas, c'est-à-dire que ceux qui se sont accrochés à la vérité, ils ne peuvent pas se diviser. Parce qu'ils ont la vérité, et la vérité elle est unique. La vérité elle est une. Donc ils ne peuvent pas se diviser. Lakin, le haq, il divise entre le haq et le batil. Dînullah subhanahu wa ta'ala, il farrik bayna al-haq et al-batil. Famin asma al-Qur'an al-Furqan. Parmi les noms du Coran, Al-Furqan, c'est-à-dire celui qui divise, plutôt celui qui discerne. Voilà. Celui qui discerne entre le haq et le batil. Ça, c'est la Bouddha mine. Parce que le haq, il ne fait pas partie du batil. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ Celui qui n'est pas mutamassik bidin illahi azza wa jal, بَعْدَ الْبَيَانِ فَهَذَا On est obligé de faire un bayan sur lui, de s'écarter si jamais il continue sur cela. Ama celui qui est accroché à la religion, celui-là, fil haqiqa, tu ne peux pas avoir une divergence avec lui. Excepté, comment ça va venir, Inch'Allah, dans les sujets dans lesquels les preuves ne sont pas claires. Dans le fiqh, il y a des sujets dans lesquels ces sujets d'interprétation, ces matières d'interprétation, chacun peut y aller de son interprétation et comprendre une chose. Ça ne fait pas partie de al-iftiraq fid-din, de la division fid-din. Bal yani hada min ad-din. C'est la chose que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé et même le prophète. صلوات الله وسلامه عليه فالاجتماع في الدين المراد بذلك ستمسك بكتاب الله كما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بمعنى التمسك واعتصموا بحبل الله وحبل الله في كتاب الله في الدين جميعا ولا تفرقوا يعني سمونت que la bouddha mène à l'ijtima et cet ijtima là c'est pas juste un ijtima un rassemblement فقط يعني De personnes. Non, on se rassemble sur la vérité. La chose qui nous rassemble, c'est la vérité. فالمراد بذلك ليس الكثرة. سبقتها كابن مسعود الى دي الجماعة ما وافق الحق وإن كنت واحدة. الجماعة c'est quoi? C'est le fait d'être en conformité avec la vérité. Même si jamais t'es tout seul, c'est toi la جماعة. الجماعة ce qui évolue ici c'est موافقة الحق. كما قال ابن مسعود قال الجماعة من وافق الحق وإن كنت واحدة. فذلك قال سبحانه وتعالى في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. إن إبراهيم كان أمة أي قدوة. C'est un exemple. فالله سبحانه وتعالى وصفه كأنه أمة comme une communauté. Pourquoi? Parce que l'اجتماع ما يوجد فيه من الحق. Il était sur la vérité. Et même si jamais ils étaient, il y avait l'autre et sa femme qui étaient sur le dîn et l'islam à cette époque-là, c'était eux la jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils ont wafaq al-haq. وتمسكوا به. هذا هو الجماعة. أهي الجماعة وإن كنت واحدا فأنت الجماعة. فالجماعة لا تنظر إلى العدد. On regarde pas sur le nombre. لكن تنظر إلى الكتاب والسنة. من وافق ذلك فهو الجماعة. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فأمر الله تعالى بالاجتماع في الدين. الاجتماع في الدين أي تمسك به. هذا هو المراد بالاجتماع في الدين. أي التمسك بالدين. والدين ce qui est voulu par التمسك بالدين c'est le kitab. والصحيح السنة. La sunna qui est authentique. والإجماع. هذه هي أصول الدين. وأصول أدلة الدين. Les preuves de la religion sont au nombre de trois. Al-kitab, والسنة, الصحيح والإجماع. هذا هو. كما قال الإمام الخطابي رحمه الله وكذلك الإمام الشيخ الإسلام عليه رحمة الله فأمر بالاجتماع في الدين أي بتمسك بالدين وهو الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع فcelui qui وافق une de ces trois choses là c'est lui le jamaa et on peut pas avoir une divergence avec cette personne là. C'est celui qui différencie de cette personne-là, c'est lui qui est fil iftiraq. Celui qui fait dalala. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ. C'est celui qui ne se conforme pas à l'une de ces trois choses-là, كِتَابَ السُنَّةَ صَحِيحَ إِلِجْمَعَ فَهُوَ الْفِرْطَ. C'est la secte, c'est la personne qui a agréé pour lui-même l'égarement. فَهَذِهَذَا الْأَصْلَ الثَّانِي فِي الْحَقِيقَ. C'est un far' de l'asl al-awwal. Parce que dinullah subhanahu wa ta'ala c'est at-tawhid. C'est la religion de l'unicité. Et la religion en elle-même c'est une unicité. Comme a dit le hadith min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala khataba lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi wasat ayyam at-tashriq khutbat al-wada'. النبي صلى الله عليه وسلم إلى فين خطبة إن خطبة عظيمة ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباءكم واحد وفي بعض الرواية ودينكم واحد إلى آخره. فأنا أمام يعني سيناه أنا أمام أب أنا إشي يعني دمام بير كي آدم إجن ممير كي حواء عليهم السلام. Notre religion, c'est qu'une religion. Notre Qibla, c'est la même. Enfin, c'est une religion qui appelle à l'ijtima. On a le même Seigneur. On a le même Père. On a la même Qibla. On a le même Dîn. Enfin, c'est une religion qui appelle à quoi l'ijtima? Tout cela, yani mutafarra ala tawhid. Tout cela, ça en découle du tawhid. Enfin, ce asl thani, fil haqiqa, c'est un far', c'est un annexe du premier asl. Parce que celui qui wahad Allah subhanahu wa ta'ala se doit d'être se rassembler avec les gens de la vérité comme on a pu voir dans la shurut al-mahabba plutôt dans le shurut l'ahl Allah que min shurutiha al-mahabba wa mahabbatu ahliha. Donc ça rentre dedans, ça rentre dans cette kalimat là, kalimat al-tawhid. C'est un annexe de kalimat al-tawhid. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et l'adore doit se rassembler avec les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'adorent. Naam. فسافر de ce أصل. قال ونهى عن التفرق. يا الله سبحانه وتعالى لا تغدي de se diviser dans la religion. Et la division qui évolue ici, c'est la division lorsque les preuves sont claires. Lorsque la ayah est واضحة جدا والحديث كذلك واضح لا سيما في un إجماع il doit pas avoir de division. C'est celui qui s'entête à ne pas prendre الدليل الواضح من كتاب السنة والإجماع فهذا c'est celui qui sème la division dans la communauté. C'est celui qui divise. أما comme on a pu faire un إشارة lorsqu'il y a des divergences dans des sujets dans lesquels on peut avoir comment ça s'appelle il y a divergence فهذا ça rentre pas dans le tafarruq. Comme le fait de mettre sa main sur le torse après le rukou', lorsqu'on revient du rukou', certains le mettent comment ça s'appelle sur le torse, certains le mettent comment ça s'appelle le long du corps. Ça, on ne peut pas ça un tafarruq fi din. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait dit dans un hadith, le hadith il est fait Bukhari, alayhi rahmatullah, 946 le numéro du hadith. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب أي من غزوة الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il est revenu de غزوة الأحزاب il a dit à sa communauté لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة que personne ne prie le عصر il a ordonné de prier العصر في بني قريظة بني قريظة c'est une tribu parmi les Yahoud qui était dans Medina. قال فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فبعضهم يعني في وسط الطريق ils sont pas encore arrivés dans ce village là ils ont pris l'asr. فقال بعضهم لن نصلي حتى نأتيها. Ils ont dit même si jamais on fait sortir l'asr de son heure, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit de prier l'asr في بني قريظة. Même si jamais on prie l'asr au moment du Maghrib, eh bien, on priera le Asr au moment du Maghrib qu'à partir du moment qu'on va arriver à Bani Qurayza. Enfin, certains ont compris comme ceci et certains ont compris comme ça. C'est-à-dire que certains ont dit il faut hâter le pas, il faut se dépêcher. Et certains ils ont dit non, en fait, on prie le Asr que lorsqu'on va arriver dans cette vallée-là. قال فلم يرد منا ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. Yani ensuite ils sont partis, ils ont demandé fatwa à Nabi صلى الله عليه وسلم pour savoir qui avait raison des deux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé aucune de ces personnes-là. Et l'imam, Ash-Shinqiti, rahimahullah, ta'ala, fil Mudhakkira, un livre dans Usul al-Fiqh, il évoque ce hadith-là pour dire que dans les sujets dans lesquels il y a une interprétation diverse, dans ces sujets-là, la personne ne doit pas avoir un inkar par rapport à l'autre. Mais moi, je vois qu'on met les mains sur le torse lorsqu'on vient du recours. L'autre il ne voit pas cela, et je ne vais pas être trop dur envers lui. Je ne dois pas être dur envers lui et l'agresser, faire preuve de dureté dans les paroles et dans la manière de m'exprimer avec lui, ou de lui montrer la vérité. Je ne dois pas être dur avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un sujet dans lequel l'interprétation elle est ouverte. Parce que le hadith n'est pas clair dans ce sujet-là, comme là ici. Certains ont compris ceci, certains ont compris cela. Fait un abus, mais il n'a pas blâmé une des autres personnes. Donc ça montre que ça ne fait pas partie de la division. Même eux, entre eux-mêmes, ils ne se sont pas divisés. Certains ont compris ceci, ils ont fait comme cela. Certains ont compris autre chose, ils ont fait comme cela. Lakin, ça n'a pas semé une division entre eux. Et un abus, il n'a pas blâmé une de ces personnes-là. Fait un ulama, il montre que c'est ce genre de sujet-là. Awalan, on ne doit pas avoir de inkar, de shidda avec al-khasm, celui qui à un autre point de vue que toi. Et ثانياً, c'est pas de la division. كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Il y a des sujets qui sont équivoques dans lesquels une personne peut comprendre ceci et cela. On va ramener une parole qui est très importante de l'imam al-Sam'ani عليه رحمة الله qui fait le Qawati', le troisième mujallad, la page 383 et jusqu'à la page 384. Il évoque, wa rahimahullah ta'ala, que l'ikhtilaf al-din yanqasim ila qismin. Faqala rahimahullah, qala inna l'ikhtilaf bayn al-umma darbayn. Le khilaf, la divergence dans la religion, elle est de deux sortes. Faqala ikhtilafun yujib al-bara'a wa yuqa' al-furqa wa yarfa' al-ulfa. Une divergence à la titoujib al-bara'a qui nous demande de s'innocenter des personnes qui auront pris un autre point de vue. Qala wa yuqa' al-furqa. Et ce genre de divergence-là, Elle oblige la division. Qala wa yarfa al-ulfa. Et on ne doit plus avoir d'amour pour ces personnes-là. Tu dois t'écarter de ces personnes-là. Qala wa ikhtilafun la yujib al-bara'a wa la yarfa al-ulfa. Et une divergence qui n'oblige pas de se désavouer les uns des autres. Et wa la yarfa al-ulfa. Elle n'enlève pas la mahabba fima baynana. فقال فالأول أي الخلاف لا ديفيرجنس التي توجب البراءة وتوجب الفرقة وتوجب رفع الألفة الأول قال كالاختلاف في التوحيد comme la divergence qu'il y a dans le tawhid comme on a pu le voir dans le premier asl ceux qui ont prétendu que c'était ça le tawhid هؤلاء après le bayan on doit se désavouer de ces personnes là on doit détester ces personnes là on doit s'écarter de ces personnes là il y a une division entre nous. Celui qui ne suit pas la vérité, il va rentrer dans l'égarement. Il fera partie de ceux qui se sont divisés dans la religion. Amanahnu, on ne s'est pas divisé, on est resté sur le haq parce qu'on a pris le kitab wa sunnah. On a le dalil dans la main qui montre que nous, on ne s'est pas divisé, mais eux se sont divisés. Donc on doit s'écarter de ces personnes-là. Qala, فالأول كالاختلاف في التوحيد قال لأن أدلة التوحيد كثيرة ظاهرة متواترة. Ça revient un peu à ce qu'on a pu voir avec le usul, la définition des usul. Parce qu'il a dit, les adillas dans Tawhid, elles sont nombreuses, elles sont claires, et elles sont mutawatiras, c'est-à-dire que c'est un peu comme kathira. قال وكذلك كل مكان من أصول الدين فالمخالف فيها معاند مكابر والقول بتضليله واجب والبراءة منه شرع. Il a dit, كذلك toute chose parmi أصول الدين, parmi les fondements dans la religion, c'est-à-dire dans lesquels les adillas sont kathira, elles sont zahira, elles sont mutawatira, comme on a pu voir. Qala fal mukhalifu fiha, celui qui se diverge, il y en a dans ce genre de sujet-là, dont les preuves sont très claires. Qala fa huwa mu'anid, c'est celui qui s'entête, il y en a dans l'égarement. Qala wal qawlu bi tadlilihi wajib, et le fait de juger de l'égarement de cette personne-là, c'est une obligation. Fa madha ba'd al haqq, nous on est sur le haqq. إلا الضلال فهؤلاء في الضلال قال والبراءة منه شرع et le fait de se désavouer de ces personnes là c'est légiféré c'est une religion قال والاختلاف الآخر c'est-à-dire celui qui لا يجب البراءة ولا الفرقة ولا رفع الألفة فقال والاختلاف الآخر هو الواقع في النوازل التي عدمت فيها النصوص il nous dit et la deuxième divergence qu'il y a dans la religion c'est celle qui survient dans les nawazil, c'est-à-dire dans les nouvelles affaires. Hein, dans les nouvelles affaires dans lesquelles on est confronté, dans lesquelles il n'y a pas un texte dessus. Tam qui est venu, min kitab wa sunnah. Tam, dans lesquelles il n'y a pas un texte qui est wadih, il y en a par rapport à cela. Qala, fi nawazil allati adamat, fiha an-nusus, fi al-furu', qala wa ghamidat fiha al-adilla allati tarji' ila al-ijtihad. Faqala, kadhalika, ça rentre dedans. Il y a une adilla qui sont ramidas, c'est-à-dire qui ne sont pas claires, sujets d'interprétation. C'est les sujets dans lesquels on peut faire un effort d'interprétation. Amma dans l'usul, dans les choses qui sont claires, adilla qui sont claires, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation. Il y a un truc où tu prends le texte comme il est et tu l'appliques. D'autres, on doit faire un effort d'interprétation, comme ils ont fait dans le hadith. Ils ont interprété la parole du prophète sallam, la yusalliyan ahadun al-ras illa fa bayna qaraiha, parce que la porte était ouverte à interpréter cette parole-là. Lorsque c'est sujet à interprétation, que les adillas, et c'est quoi le dhabit de ça, c'est quoi la norme de sujet qui est de matière d'interprétation, c'est celle dont les adillas ne sont pas wadiha. Qala fala yuzil al-ulfa. Ça ne retire pas la mahabba qu'on doit avoir entre nous, ce genre de divergence-là. Wala yujib al-wahsha. Et ça ne nous impose pas d'être durs les uns envers les autres. Wala yujib al-bara'a, de se désavouer les uns des autres, ça n'implique pas cela. Qala wala yaqta' muwafaqatul islam. Et ça ne coupe pas les liens de l'islam. Les liens de l'islam qu'on a entre nous, c'est-à-dire de s'aimer fillah, de se rassembler fillah ila akhirihi. Le murad, ce qui est voulu dans la parole de Cheikh, rahmahallahu ta'ala, wa nahya 'an at-tafarruq fihi, et c'est la première catégorie qu'a évoqué l'imam As-Samhani, rahmahallah. Et al-ikhtilaf, yani fi at-tawhid, wa al-ikhtilaf fi al-usul, wa al-ikhtilaf fi al-adilla allati hiya wadihatun jiddan. Fa hadha, c'est la chose dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de ne pas se diviser dans ce genre de sujet-là. parce que c'est des sujets qui sont wadih. قال فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا. Tout cela, يعني شافيا كافيا. شافيا c'est bien واضح. كافيا يعني qui, d'une manière qui, on n'a pas besoin de rajout par rapport à cela, qui est suffisante يعني. فالله سبحانه وتعالى il a montré ça أصل الثاني qui est l'اجتماع في دين الله عز وجل de manière claire, nette et précise et suffisante. قال تفهمه العوام. On n'a pas besoin d'un grand cerveau, on n'a pas besoin de grandes études, on n'a pas besoin d'outils d'interprétation comme Al-Usul ou Al-Nahwu ou Hadil Ashia. Ce sont des hadillas qui sont wadiha. Tafsiruha qira'atuha. L'explication de ces textes-là, c'est la lecture. Le simple fait que tu lises. Lakin celui qui ne lit pas, oui, celui-là, il va ignorer. Lakin celui qui lit, il aura compris. Pourquoi? Parce que tafsiruha dit, Al-Nusus, c'est la qira'a. T'as juste à lire. T'as juste à lire. قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا يعني بلا عليك هل يحتاج الى on ouvre le tafsir ceci cela on comprend directement que Allah عز وجل a ordonné de s'accrocher excepté في حبل الله peut-être on va demander qu'est-ce que حبل الله لكن الايه المفهومه وايه كثيره في ذلك قال ونهى ان نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا et il nous a interdit d'être comme ceux qui nous ont précédés, se diviser comme ceux qui nous ont précédés, car si jamais on fait cela, on va périr. Wa al-murad de ceux qui sont qablana, c'est al-yahoud wa al-nasara. Wa al-adilla fi dhalika fi kitabillahi azza wa jal kathiratun jiddan. Wa la takunu kal-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de ressembler aux mushrikin, ceux qui se sont divisés. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا كذلك تم الآية في ذلك هي كثيرة جدا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé من بعد ما جاءهم البينات البينات c'est-à-dire les preuves qui sont claires et évidentes donc ça nous montre il y a un peu la parole de Asamhani رحمه الله تعالى qu'on ne peut pas avoir de divergence et de division dans les preuves qui sont claires, nettes et précises. C'est pour ça que halakou. Lama qalahu wa rahimahullahu ta'ala. Cette ayah-là l'explique bien, il y a ce qu'il vient de dire à l'instant. Qala wa nahana an nakuna kalladhina tafarraqu qablana fahalakou. Et l'ayah montre bien. Hawala halakou, pourquoi? Parce qu'ils se sont divisés. Après que al-bayyinat, les preuves qui sont claires, nettes et précises, leur sont parvenues. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a rétribuées du châtiment azim. Fahalaku. Kama qala, rahimahullahu ta'ala. Kazalik, qala subhanahu wa ta'ala, wa la takunu min al-mushrikin. Et ne soyez pas du nombre des mushrikin, et en les ressemblant. Min al-ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Kullu hizbim bima ladayhim farihun. Et ne soyez pas du nombre des mouchriquins et dans leur ressemblance de faire comme ils ont fait. Ensuite, il a évoqué qui sont ces mouchriquins. Il a évoqué une sifa parmi sifat al-mouchriquins. قَالَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ parmi ceux qui ont divisé leur religion. Parmi ceux qui ont divisé leur religion. وَكَانُوا شِيَعًا c'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs sectes. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ chacun est fier de la secte sur laquelle il est. Ils sont fiers, et de la division dans laquelle ils sont. فَهَذَا مَذْمُومُ Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cela. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ceux qui nous ont précédés, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de les ressembler, c'est le mushrikoun. Naam. Naam. Est-ce que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Naam. Est-ce que ça montre que est-ce que, comme tu as dit, est-ce que ça explique la parole de l'imam Sam'ani dans le sens où ça montre que la division qui n'est pas permise et qui fait ressembler aux shaykhins, c'est celle sur les fondements et aller sur les choses qui vont faire sortir l'islam. Exactement. Alors que ce qui ne fait pas sortir l'islam, ça ne rentre pas forcément dans ce verset-là. Non. En fait, non, non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, voilà. Non, en fait, là, il nous a interdit de ressembler aux mushrikins. C'est-à-dire que eux, ils ont des divisions partout. Que ce soit dans Usul ou bien dans d'autres choses, tu vois. Lakin, la parole de l'imam As-Sanani, elle est claire, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles, si jamais la personne le fait, il va sortir du din. Et ça, c'est une division et c'est une divergence, il y en a qui fait qu'on doit la détester fillah et l'akhirahi. Lakin, kadhalik, il y a des choses dans lesquelles les adillah sont wadiha. C'est pour ça qu'il a bien dit. Au début, il a dit ketouhid, il a évoqué touhid, il a pris comme exemple touhid. Ensuite, il a dit et les usul aussi, kadhalik. Et tout sujet dont les preuves sont wadiha. Mathalan, al-bid'a fi dinillahi azza wa jal. Comme ceux, on prend l'exemple de ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète, alayhi sallatou salam, fahada fil haqiqa, c'est une divergence. Yani qui oblige qu'on doit détester ces personnes-là, qu'on doit se désavouer de ces personnes-là et qu'on doit juger de l'égarement de ces personnes-là. Malgré que le fait de faire cela, de fêter l'anniversaire, à partir du moment qu'il a istihillu dhalika, yani il a un ijtihad indahu, il a une shubha, fahada on ne peut pas le... ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais malgré cela, on doit le détester et s'écarter de lui. C'est-à-dire dans toute chose. Al-Khouf, mathalal. Certains disent que, parmi les Shia, ça c'est les Shia, ils disent qu'on doit, on doit pas faire le masr al-Khouf. Et les Adillah dans ce sujet-là, ils sont wadihatun jiddan. Il y a plus de 100 sahabis qui ont évoqué ce dalil-là. Cette mas'ala-là. Enfin, le fait de ne pas faire le masr al-Khouf, ça ne fait pas sortir d'islam. Là, qu'il le fait de rejeter cela, de dire que ça ne fait pas partie de la sunna, ben cette personne-là, on juge de l'égarement de cette personne-là. Et on dira même qu'il il ressemble au shi'a. Là, qu'il n'essaye pas sortir d'islam. Farahona, Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué que il y a la divergence. Dans les sujets qui sont clairs, ça fait partie, min simat, min alamat, ça fait partie de l'habitude des mouchakins. C'est ça. Que ce soit parmi les sujets qui font sortir d'islam ou qui ne font pas sortir d'islam. Eux, leur habitude, c'est la divergence. وَيَفَرَحُونَ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى واضح؟ نعم بارك الله فيك. شكرا لك. نعم. Encore pire. Encore pire chez les chrétiens, au moins 12 Bibles, yahi. Il n'y a plus de 12 Bibles. Et chacune ne ressemble pas à l'autre. Et chacun est content. Il y en a qui dit oui, on est chrétien, mais on n'a pas le même livre. Tu vois? Hadib, ouais, c'est un truc, c'est vraiment, il y en a du bidden. Mais chacun est. Yafrah bidalek, il est radi, il agrée que l'autre il a une autre Bible, que l'autre il a une autre Bible. C'est comme si on avait 20 Coran. Ça n'existe pas cette histoire-là. Et farih bidalek, c'est-à-dire qu'ils agréent, c'est normal, c'est pas un problème. Chacun sa Bible, c'est-à-dire Allah il a révélé 12 Bibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment tu peux dire c'est moi qui ai sur la vérité? C'est ça le problème. Ça montre un dalal, là, et ils agréent cela, d'être divisés dans la religion. Comme le subhanahu wa ta'ala, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Naam. Inch'Allah, on poursuivra ce deuxième asl pour demain, Inch'Allah. Tayyib, jazakallah khair. Iyaka khair.